Juste un petit mot avant de lancer pour de bon votre épisode de Tech Café pour vous dire qu'on a accueilli dans cet épisode Jérôme Colombin qui a présenté pendant si longtemps Nouveau Monde, une chronique que vous avez probablement écoutée à de nombreuses reprises et qui a maintenant son propre podcast Monde Numérique. On a eu un petit souci au niveau de la piste audio qu'il nous a transmise. Il y a des petits artefacts par moment. Je pense que l'ensemble a été plutôt bien rattrapé et donc je vous laisse profiter de l'épisode et en ayant un petit peu d'indulgence au sujet de quelques artefacts audio sur quelques-uns de ces passages. Bon épisode. Vous écoutez Tech Café, le rendez-vous hebdomadaire sur l'actu tech et ses enjeux de société. Nous enregistrons ce 246e épisode le 12 octobre 2021. Dans le dernier épisode, on vous parlait de la multitude d'appareils connectés annoncés par Amazon et on va continuer à en parler d'Amazon dans cet épisode, mais au travers de sa filiale de streaming vidéo, Twitch, qui a fait l'objet d'une fuite assez colossale. Vous n'avez pas pu passer à côté de cette info. Une fuite colossale tant concernant les données qui ont été dévoilées qu'au sujet de la stratégie de l'entreprise. Facebook a pris la parole depuis sa panne, dont nous vous avions parlé la semaine dernière, et fait face à l'action de la lanceuse d'alerte Frances Haugen, ancienne employée du réseau social, qui a témoigné également avec la Commission européenne. Alors évidemment, un témoignage qui renforce les actions initiées dont nous avions déjà parlé, initiées par la Commission européenne. Ce sera l'occasion d'aborder aussi plusieurs sujets juridiques, mais tech quand même, vous allez voir, avec l'accès aux sites pornographiques qui revient sur le devant de la scène, la lutte contre la dérive criminelle avec les utilisations de crypto-monnaies ou encore l'appel d'Apple dans son procès face à Epic. Tout le monde les présentait globalement comme gagnants, hein, mais ils veulent clarifier encore un peu plus le jugement ou gagner du temps, allez savoir. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste et je retrouve celui qui a préparé cette émission, hein, celui qui est à l'actualité tech, ce que Twitch est au streaming de jeux vidéo, mais on espère qu'il n'a pas autant de fuites. Vous ne le trouverez toujours pas sur internet, sauf quand vous cherchez à commander son livre, Machine de jeu, c'est Guillaume Pogjaspala. Salut Guillaume. Et oui, exactement, mais moi j'ai pas de haine, tu vois, moi il n'y a pas de raid, de haine, ni rien, je ne suis qu'amour. Tu n'es qu'amour, même si... Non, tu n'as pas de fuite non plus. Nous avons encore. Également... Pas encore, tant mieux. Même si tu étais enrhumé ces dernières semaines, mais ça a l'air d'aller beaucoup mieux, Guillaume. Ça que tu te rétablisses. Parfait. Nous avons aussi l'immense plaisir et honneur de recevoir pour la première fois dans Tech Café une référence de l'actu tech avec les capacités de vulgarisation qui ne font plus débat et qui font au contraire office de référence. Il a animé pendant des années Nouveau Monde, une chronique sur l'actu tech diffusée sur France Info et dont les Replay était bien souvent en tête du classement des podcasts. C'est Jérôme Colombin. Salut Guillaume. Salut Jérôme, pardon. Salut Guillaume. Ah, elle est très drôle celle-là parce que je l'ai faite moi aussi à l'antenne en me c'est disant vrai. À moi-même bonjour Jérôme. Ah, c'est très donc, bon ça. Excellent. Voilà, donc ça doit être un problème de gens qui font de l'audio. Ouais. C'est eh fort bien, possible. Salut les Guillaume. Oui, salut. Johan a déposé un commentaire sur l'application Podcast Addict. Il a dit un podcast tech référence qui fait plaisir à écouter. J'adore le ton des Guillaume et de Pod, donc Pierre-Olivier Dimman à qui on fait évidemment un petit coucou. Toujours didactique, j'apprends en vous écoutant depuis Tablette Café. Eh bien écoute Johan, tu es un fidèle de longue date et on te fait évidemment un petit clin d'œil. Merci beaucoup pour ta fidélité. Si c'est pas encore fait, vous aussi, hurlez votre satisfaction de Tech Café et foncez déposer un avis sur Apple Podcast ou sur Podcast Addict. Et puis sachez aussi que le podcast est dispo sur l'application de podcast Tumult. Réagissez à un emplacement précis de l'épisode pour entamer le dialogue. Ça nous fera évidemment très plaisir de voir vos commentaires. Mention spéciale enfin à Frédéric Breno et Roms34 pour leur soutien et leur participation. Ils rejoignent la communauté exceptionnelle des plus de 200 abonnés premium. Débloquez des avantages pour une expérience premium et privilégiée, un flux privé sans pub, du chapitrage, des épisodes et des infos exclusives. Vous êtes assuré d'avoir votre podcast encore longtemps. Pour en savoir plus, c'est extrêmement simple. Rendez-vous sur patreon.com/techcafé. On va commencer juste avec une toute petite mention à chaud parce que je sais qu'il y a des personnes qui nous écoutent, qui l'attendent et ce sera pas forcément un sujet qui laissera beaucoup matière à des réactions, mais Apple a confirmé une keynote pour la semaine prochaine, donc le 18, où évidemment on attend des MacBook Pro. Il y a encore des débats. Est-ce que ces MacBook Pro intégreraient plein de ports qui étaient absents des précédents MacBook Pro? Suspense, on en reparlera. Mais sans autre forme de procès, forcément, il faut qu'on parle de cette cette giga fuite Twitch, Guillaume, mais qu'est-ce qui s'est passé? Bon, c'est simple, hein, sur 4chan, la semaine dernière, il y a sorti un torrent de 125 gigaoctets. Et donc là, tu dis, bah, c'est encore une version d'Avengers Endgame avec encore plus de scènes coupées, tu vois, un truc comme ça. Avec une très bonne qualité. Exactement, mais en 4 tiers. Mais non, en fait, non, c'était à peu près tout ce qu'on peut imaginer sur Twitch, hein, c'est-à-dire le code source, l'intégralité, pour commencer. Les clients mobiles console, les SDK propriétaires, des outils d'audit interne, des infos sur d'autres sites qui lui appartiennent, comme CurseForge, dont au passage j'apprends qu'il lui appartient, parce que je ne savais pas. Il y a des informations sur un projet de boutique en ligne aussi pour concurrencer Steam, et puis pour faire bonne mesure, il y a les fiches de paye des streamers depuis 2019. Alors comment et pourquoi ça a pu arriver? Ben, les hackers, auteurs de la fuite, hein, évoquent des raisons idéologiques. Twitch serait un cloaque toxique rongé par la haine, les spectateurs donnent leur pognon à des streamers qui sont déjà méga blindés, et enfin, ben, cette fuite avec le code source, hein, peut faire vaciller la domination de Twitch, et donc favoriser l'essor d'une compétition sur le secteur. Bon, comme d'hab, tout ça est à moitié vrai, puisque bon, Twitch évoque une erreur de configuration serveur. D'ailleurs, ça n'a étonnamment rien à voir avec AWS, parce que Twitch a beau appartenir à Amazon, ils contrôlent totalement leur propre pile logiciel, ce qui n'est peut-être pas une si bonne idée, vu la manière quelque peu cavalière dont Twitch traite la sécurité et la modération, hein, selon diverses sources qui ont d'ailleurs été rapportées par The Verge. Il y aurait une philosophie qui est assez simple, c'est en gros, si ça génère pas de revenus, c'est pas prioritaire. Bon, tout ça pour dire qu'on tient probablement un hack opportuniste, hein, avec une motivation politique collée après coup, mais ça minimise pas, évidemment, l'effet assez cataclysmique que ça a eu sur Twitch et sa communauté, à commencer par le plus évident, hein, les chiffres spectaculaires du fric gagné par les streamers. Alors, quand je dis aux streamers, c'est 0,001% des streamers, hein, qui gagnent bien leur vie, parce qu'évidemment, sur Twitch, comme ailleurs, l'immense majorité gagne bah, que dalle ou des cacahuètes par mois, parce que non, il suffit pas de se foutre en bikini dans une piscine pour devenir millionnaire Twitch. Même si on jouit d'un corps magnifique, hein, comme le mien. Non, seuls 3 des 100 streamers les mieux payés sont des femmes. Et une seule est adepte des jacuzzi, et c'est donc Amourante. Amourante qui a d'ailleurs, qui s'est fait virer d'ailleurs de Twitch, qui a été déplatformée, comme on dit, très récemment, là, cet après-midi. Elle ne sait pas pourquoi, d'ailleurs, Twitch n'a pas donné de détails. En tout cas, elle est à la 48e place. Et après, il y a Syntika, une DJ, qui est à la 71e place, et il y a Pokimane, qui fait vraiment du jeu vidéo, pour le coup, hein, qui est la mieux placée en 39e place, avec 1,5 million de dollars, qui donc elle a fait entre août 2019 et octobre 2021. Amourante est pas loin, avec 1,3 million, et Syntika avec 1 million. Mais elles sont plutôt petites joueuses, en fait. Parce que le premier de la liste, c'est Critical Role, donc c'est une bande de gens qui font du théâtre, Donjons et Dragons, et lui, par contre, enfin lui, eux, ils ont gagné près de 10 millions. Le deuxième, c'est un truc que je vais pas me risquer à prononcer, puisque c'est XQCOW avec 8,5 millions, et Shroud, dont on a parlé un petit peu ici, n'est qu'à la 25e place avec 2 millions au compteur. Bon, faut bien voir que ces chiffres ne représentent qu'une partie des revenus des streamers en plus, hein. Parce que c'est les souscriptions Prime, les revenus pub via Twitch, et puis les Twitch Bits, comme ils appellent. Mais si t'es vraiment célèbre, bah évidemment, tu peux aussi avoir des sponsors, d'autres sources de dons, du merchandising, etc. Donc en fait, il y a gros à parier que les revenus totaux des stars soient encore entre 1,5 et 2 fois plus élevés que ça. Donc au passage, d'ailleurs, si tu es vraiment célèbre sur Twitch et que tu leur apportes plein de trafic, bah, comme sur Facebook, on ne te modère pas trop, voire pas du tout. Il y a Asmongold qui a déniché une liste de streamers à ne bannir sous aucun prétexte, donc une modération de vitesse qui rappelle furieusement Crosscheck sur Facebook, hein. Or tout ça évidemment a déclenché une petite prise de conscience quand même, hein. Une foule de spectateurs qui est pas très riche, hein, qui donne une partie de leur maigre salaire à des streamers millionnaires pour je sais pas quoi, un peu d'attention. D'ailleurs, faut rappeler, je pense, la réaction très saine de Pokimane, qui, l'an dernier, a limité le don à $5 maximum, oui. Disant que il n'était pas nécessaire de donner plus. Elle a carrément dit à sa communauté qu'elle ne voulait pas de leur argent, qu'elle ne voulait plus alimenter, je cite, hein, ce cycle addictif de recherche d'attention parasociale, hein, qu'il y a sur Twitch. Donc Pokimane, alors j'ai dit Pokimane, chez Pokimane, peut-être qu'on dit en français, je ne sais pas exactement, mais bon. Elle confirme aussi qu'elle fait plus d'argent, d'ailleurs, hein, que ces 1,5 million, puisqu'elle fait plein de partenariats avec les marques. Donc c'est voilà, bon, c'est tout ça, c'est un coup de transparence qui peut pas faire de mal. Et puis bon, évidemment, Ludwig Number 6, Agren, a déjà fait un stream, bien sûr, là-dessus. Après tout, c'est revenu, c'est aussi un tableau de score, hein, c'est cette espèce de feuille Excel, c'est juste un tableau de score. Et Ludwig avait déjà un mème là-dessus, hein, qui, selon ce qu'il confie à Wired, serait, ça résume un petit peu l'état d'esprit des gros streamers, ce serait plus gros chiffre, meilleure personne. Bon, espérons que cette fuite rééquilibre un petit peu la donne. Hein. Si vous avez 10 balles à donner, c'est peut-être que c'est mieux de le donner à quelqu'un qui fait pas déjà plus de 33 000 euros par mois, ce qui est le cas de tout le monde dans le top 100. Jérôme, j'imagine que quand on suit l'actutech comme tu le fais, on est forcément marqué par une telle fuite. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de précédents qu'on peut avoir en tête qui seraient aussi remarquables, mais est-ce que tu penses que ça peut mettre à mal Twitch, peut-être indirectement Amazon, ça me semble très difficile pour Amazon, mais est-ce que tu penses que ça peut mettre à mal Twitch, cette fuite de données ? Écoute, mettre à mal, je ne sais pas, parce que c'est quand même pas la première fuite. Alors, c'est la première importante comme ça pour Twitch, mais c'est vraiment pas la première dans l'histoire des plateformes. Et on a même l'impression que ça se multiplie. Et c'est un peu ça le problème. Hein. Il y en a eu, tout le monde y a eu droit. Il y a eu des fuites, me semble-t-il, chez Facebook. Il y a eu, enfin, régulièrement, il y a des affaires comme ça. Ah oui. Que ce soit, puis alors, bon, dans l'esprit des gens, tout se mélange, ces fuites de données. Enfin, derrière, ça veut dire quand même là, intrusion dans un système, vol d'informations. Il y a des histoires anciennes. Rappelez-vous Sony qui avait été piraté et ça avait été carrément plus grave puisque les numéros de carte bancaire des utilisateurs avaient fuité. Il y a même des films qui avaient fuité, il me semble d'ailleurs. Oui. Et il y a même des films, ouais, tout à fait. Il y avait des contenus aussi qui avaient fuité. Il y avait un projet de film qui était satirique vis-à-vis de la Corée du Nord, je crois, de mémoire, d'ailleurs. Je ne me rappelle plus quel était le film là-dessus. Oui, et on avait pensé que peut-être, du coup, c'était des Nord-Coréens qui avaient fait le coup. Ouais. Ouais, hein, tout à fait. Ouais. Non, mais d'un côté, on se dit c'est pas normal et ça traduit quand même un peu de légèreté par rapport à la sécurité des données des utilisateurs. Et de l'autre côté, on se dit est-ce que c'est pas une fatalité entre guillemets, enfin en tout cas que ce genre de choses se multiplient aujourd'hui, vu eh bien d'un côté le nombre d'utilisateurs de ces plateformes et de l'autre côté eh bien l'activisme et la mobilisation et la motivation de tous ces hackers. Moi j'ai pas particulièrement de sympathie, je l'avoue, pour les pseudo justiciers du web, hein, qui estiment qu'ils peuvent faire la loi pour un oui pour un non, et donc ce monsieur là ces personnes qui s'en sont pris à ce Twitch pour des raisons idéologiques, entre guillemets, écoute, il y a d'autres moyens que de se faire sa justice soi-même. Après, ça veut pas dire qu'il n'y a pas un problème sur Twitch, un problème de modération des contenus, il y a eu des raids, enfin, il y a des trucs assez dégueulasses qui se passent, donc c'est peut-être une manière d'attirer l'attention, je sais pas. Ouais, il y a une vraie ambivalence quand on essaye de juger si le terme est approprié, ce type de plateforme, parce qu'évidemment, on peut reconnaître quand même que c'est chouette, hein, à la base, le fait de pouvoir diffuser comme ça en live des contenus vidéoludiques, ça démocratise aussi jeux vidéo, ça permet de créer des rassemblements, mais il y a aussi toute la toxicité qu'on peut s'imaginer, donc c'est vrai qu'on est très ambivalent quand on peut regarder Twitch. Mais c'est un peu tout le problème du numérique et des plateformes. Et c'est-à-dire que moi, j'ai un peu l'impression parfois que tout ça, ça a été inventé en partant du principe que les gens sont gentils. Mais en fait, dans la vraie vie, les gens ne sont pas gentils. Ouais. Ou plus exactement, 90% des gens sont gentils, c'est vrai. Mais 10% sont méchants, sont des idiots, sont des provocateurs, sont des gens mal dans leur peau qui ont besoin d'agir. Et forcément, là, ils vont se lâcher, quoi. Je parle de ceux qui se livrent à des raids, à du harcèlement, des attaques sexistes, racistes, etc. Tout ce qui pollue un peu les commentaires sur Twitch. Mais ça ne remet pas du tout en cause l'existence de cette plateforme qui est super. Moi, je ne pratique pas énormément, même pas du tout Twitch, mais c'est génial. C'est encore un... on pensait qu'on avait tout inventé, qu'il y avait YouTube, Facebook, Twitter, machin. Ben non, il y a encore d'autres manières de créer comme ça, de diffuser du contenu, créer des émulations. Ben, c'est assez génial. Hein. Ça veut dire que ça va continuer aussi probablement. Bon, si on peut mettre la toxicité de côté, c'est aussi bien, mais tant mieux effectivement pour la distribution de contenu. Et puis, ce qu'on doit aussi souligner dans le cadre de cette fuite de données, Guillaume, c'est qu'il n'y a pas que des informations confidentielles, il y a aussi presque pire que ça, il y a des projets, des vrais secrets stratégiques, notamment un projet de concurrence de la plateforme Steam qui a été mis à mal. Oui, bah, y a plein de trucs. Hein. Alors, il y a la gigafuite, effectivement. Cette gigafuite a aussi révélé les ambitions de Twitch qui vont au-delà du stream. Hein. Elle voudrait aller carrément marcher sur la plateforme de Steam et même du PlayStation Home, si tu peux te rendez-vous compte. Donc, Twitch envisagerait de lancer une boutique de jeux. Donc, le nom de code évoqué, c'est Vapor. Je doute que ce soit le nom définitif, parce que ce serait un nom vraiment pitoyable. Le code, ouais. Vapor, concurrent de Steam. Voilà. Tu sais, on dirait un petit peu les faux noms que t'inventes pour les séries B quand t'as pas la licence. Bon. De même pour Vapeworld. Donc, Vapeworld, je pense que Vapeworld, s'il sort comme ça, il va partager son patronyme avec 1355 boutiques de vapotage en France, hein, je pense. Vapeworld doit y en avoir au moins un par ville. Donc, ce serait un salon de chat en 3D, ce Vapeworld, hein, qui serait fait sur Unity. Bon, c'est une idée moins convaincante que celle de la boutique de jeux, qui est plutôt logique en fait pour Twitch. Hein. Bon, concurrencer Steam de fond, ben c'est de front, je vais y arriver. Concurrencer Steam de front et pas Stream de fond. Concurrencer Steam de front, c'est pas facile. Epic dira pas le contraire, ça lui coûte déjà bien assez cher. Mais Twitch a quand même une grosse base d'utilisateurs. Hein. Il a les serveurs et le chéquier d'Amazon derrière, donc il peut aussi jouer de sa spécificité, offrir des services intégrés, mais peut-être pas être totalement sur le même marché que Steam. Donc ça pourrait bien marcher. Bon, le fait que Vapor ait fuité, bon, pour l'instant, ça n'a pas vraiment été commenté par personne. C'est impossible de dire si ça va compromettre le projet ou si au contraire, ça va précipiter sa sortie. Ce qui est sûr, par contre, c'est que si j'étais chez Twitch, je lancerais une énorme campagne d'audit sur mon code source. Puisque là, il se balade dans la nature depuis une semaine et c'est largement assez long pour qu'une troupe de hackers un petit peu motivés y trouve des bugs, des vulnérabilités qui peuvent être catastrophiques hein, pour la sécurité du site. Et déjà vendredi dernier, on pouvait voir des images de la tronche à Jeff Bezos troller discrètement certains recoins de Twitch en arrière-plan. Bon, en plus, on peut aussi connaître les détails du fonctionnement intime de Twitch. Bon, le fait que le Golden Kappa soit pas aléatoire est anecdotique, hein, mais les méthodes de modération, de filtrage, elles sont beaucoup moins anecdotiques, et si on sait comment on filtre, on peut aussi contourner le filtre. Donc pour l'instant, l'impact concret, disons, de la fuite, bon, il est plutôt limité, hein, Twitch ne vacille pas, mais il y aura sans doute des conséquences à plus long terme, et d'ailleurs, c'est vrai qu'au-delà de Twitch, on peut aussi se poser la question d'une recrudescence du hacktivisme, tu sais, avec ses dommages collatéraux. Parce que oui, bah, comme disait Jérôme, effectivement, bah, c'est un hack avec une cause, on va dire une conscience, et le hacking pour une cause, c'est vrai que c'est très 2010, finalement. C'est très Anonymous et compagnie. Et d'ailleurs, Anonymous, bah, est-il de retour, hein, puisque le collectif est-il de retour, puisqu'il il a revendiqué aussi le hack d'Epic. Alors Epic, c'est Epic avec un K, donc ça n'a rien à voir avec celui de Tim Sweeney, hein. Donc le hack d'Epic, il est eu il y a un petit mois. Epic, pour simplifier, hein, c'était l'hébergeur de l'extrême droite américaine, et son hack rappelle un petit peu celui de Twitch quand même. C'était 180 gigaoctets de données fuitées en torrent, et une deuxième partie de 300 gigaoctets qui est sortie la semaine dernière. Et au passage, d'ailleurs, il n'est pas exclu que pour Twitch ce soit pas fini, puisque l'archive était nommée Part 1. Donc le hack d'Epic, il a eu d'énormes conséquences. Il y a quand même 10 ans de données qui ont permis de révéler des identités, des liens, des connexions avec des groupes peu recommandables, voire des émeutiers du 6 janvier, et c'est que le début. Donc c'est sans doute aussi un hack opportuniste hein, d'ailleurs Epic, hein, puisqu'il avait Epic, l'hébergeur avait même été averti de sa vulnérabilité avant d'être dépouillé. Mais comme dans le cas de Twitch, ben voilà, les hackers ont rendu les données publiques sans chercher à faire de l'argent. Donc dans les deux cas, on est quand même très loin de ransomware traditionnel. Hein. Bon, le fait que les hackers accusent, bon, les hackers de Twitch, en l'occurrence, ils accusent Twitch d'être toxique, mais ils postent le paquet sur 4chan, qui est sans doute un des pires endroits de l'internet. Donc ça peut laisser songeur, tu vois. Bon, on peut aussi évoquer le hacking ultra simple de Verkada, qui a permis de diffuser un flux de 150 000 caméras de vidéosurveillance en mars dernier. C'est un Suisse qui l'a fait, hein, qui l'a fait pour le LOL et pour exposer aussi l'ampleur de la surveillance dont on est déjà l'objet. En tout cas, il l'a pas fait pour le fric non plus. Donc, est-ce qu'on est à la veille d'une nouvelle vague de hacks idéologiques, qui est facilitée par plein d'outils qui sont désormais facilement disponibles, et aussi par plein d'ingénieurs systèmes proches du burn-out, hein, qui font boulette sur boulette, et une boulette de configuration, ça peut avoir des grosses conséquences. Mmh. Les fichiers de config, comme ça, ça a l'air de rien, mais c'est un pouvoir de vie ou de mort hein, sur tes serveurs et sur ton business. Je rejoins, je pense qu'on est tous les trois d'accord sur la position que tu tenais, Jérôme, à savoir qu'on a un petit peu de mal à défendre ces chevaliers, aussi motivés soient-ils, qui mènent ce type d'action. Malgré tout, si on prend un peu de recul, et peut-être pour conclure cette rubrique, est-ce qu'on n'est pas quand même, Jérôme, face à des situations particulièrement inextricables. On va voir juste après qu'on a des tentatives de régulation et des initiatives juridiques pour essayer d'encadrer des débordements qui ont lieu sur des services en ligne. Est-ce que finalement, justement, quand on est presque obligé d'en arriver à des situations comme ça, c'est pas signe que tout est verrouillé sur Internet. Bon, c'est quelque chose de presque philosophique, hein, pas tant technologique, Jérôme, mais je sais pas si est-ce que c'est pas justement un indicateur qui montre que bah, quand il y a autant d'attaques et autant de fuites de données, il n'y a pas un problème sur le rôle des États, la régulation globale. Oui, mais ça, on sait qu'il y a un vrai problème aujourd'hui de régulation qui est à la fois juridique et technique. Mais la régulation, en même temps, tout le monde ne parle que de ça. Hein. Il faut réguler, il faut réguler, il faut réguler. Et pourquoi on ne régule pas ? Ben parce que ce n'est pas si simple que ça. Parce que réguler, ça veut dire quoi ? Ça veut dire positionner le curseur entre la contrainte et la liberté à un niveau auquel personne n'est d'accord, suivant les pays, suivant les époques, suivant les entreprises concernées, etc. Et puis après, il y a l'aspect technique, comment on fait ? Mais Alors peut-être qu'il faut ce type d'action pour attirer le regard sur certains problèmes. Oui, effectivement. Bon, moi j'ai tendance à être très légitimiste et à être plutôt penser que les choses doivent se régler de manière sereine, calme, etc. Favorable des voies légales. Voilà, par les voies légales. Après, bon, bien sûr, faut pas être non plus un bisounours. Il y a beaucoup de choses qui se font dans le rapport de force, hein, y compris peut-être tout ça. En tout cas, la régulation, c'est vraiment le combat de demain, voire même le combat d'aujourd'hui, mais je sais pas trop sur quoi ça va déboucher. On a quand même l'impression que la meilleure régulation, regardez comment Microsoft, à un moment, avait régulé ses formes de discussion. Ah ben, il les a régulées de manière simple, il les a fermées, hein. Voilà, on discute plus. Parce qu'en réalité, c'est ça le problème, c'est que tous les excès auxquels on assiste aujourd'hui, c'est comme les excès dans la vraie vie, ça ne va avoir qu'une seule conséquence, c'est qu'on va, au bout d'un moment, on va casser le jouet, on va dire aux gens, écoutez, maintenant c'est fini, voilà, faites autre chose, mais vous jouerez plus avec tout ça, et la liberté d'expression totale, elle va en prendre un coup. Mais en tout cas, la période est super intéressante, parce qu'il faut qu'il se passe quelque chose maintenant. Effectivement, et on va suivre ça, je pense, de près. Justement, alors on va continuer, c'est vraiment une sortie parfaite pour cette première rubrique. On va enchaîner sur d'autres sujets qui illustrent bien des situations de vide juridique. On va revenir tout d'abord sur la panne de Facebook, hein, qui a fait un petit peu trembler l'univers de la tech et des réseaux sociaux la semaine dernière, dans une certaine mesure en tout cas. Et Facebook a d'ailleurs un petit peu pris la parole, Guillaume. Alors on sait tout maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, on sait presque tout. Facebook communique un petit peu sur sa panne, hein, vous savez, la panne d'Internet de la semaine dernière pour certains. Donc on avait parlé de BGP, tout ça, la semaine dernière, hein, souvenez-vous, ça reste tout à fait valable. Il s'avère qu'en fait, Facebook, le fait que Facebook ait disparu de BGP était la conséquence d'une autre boulette. Parce qu'apparemment, un mec se serait manqué sur une commande dans un centre de routage qui connecte tout le monde au data center principal de Facebook. Et ça a mis cette dorsale en rideau. Alors du coup, les data centers plus petits qui routent le trafic vers le gros mammouth le voyaient plus. Et donc, ils ont modifié leur route pour prendre en compte le fait qu'il était mort et propager tout ça au reste d'Internet par BGP. Donc la dorsale en vrac, c'est un truc qu'ils n'avaient pas prévu en fait, tout simplement, et l'absence totale de connexion, ça oblige à aller sur place. Ce que normalement on ne fait pas, et ce que même normalement on fait exprès de rendre difficile. Ce qu'on fait exprès de rendre difficile l'accès à la modification d'un serveur physique. Hein. Donc, comme tout ce petit monde consomme en plus des dizaines de mégawatts, et que tout est, enfin là, ils avaient tout éteint, il faut éviter de tout faire redémarrer en même temps, hein, sous peine d'avoir en plus des soucis électriques. Donc finalement, ça aurait pu plus mal se passer que ça. Alors, comme d'habitude, Facebook s'excuse et dit qu'il fera mieux la prochaine fois. Tu sais, Facebook, c'est un petit peu des experts de la contrition. C'est un petit peu comme la SNCF. C'est « Oh là là, on est désolé, hein, vraiment, merci de votre patience. » Comme si on avait le choix, tu sais. On s'excuse pour la gêne occasionnée. Bon, enfin, remarque, Facebook s'est beaucoup excusé. Mais dans le cas de Frances Haugen, finalement, pas tant que ça. Facebook essaye plutôt de décrédibiliser Frances. Hein, elle travaille pas au département qui s'occupe des jeunes, donc comme elle peut comprendre, tout ça. Ben voyons, elle peut comprendre juste en lisant les trucs, hein, ce qui a été écrit, et en regardant les jolis graphiques en couleur, il me semble, mais bon. De toute façon, Fair Frances est déjà considérée comme une héroïne, au moins par un sénateur démocrate, et il est sans doute pas le seul. Donc globalement, Facebook est dans le caca, hein, et ils répondent de assez peu aux attaques, donc ils disent qu'ils sont pas d'accord, que c'est pas logique tout ça, mais ils se gardent bien de dire pourquoi ou comment, et Zuckerberg, lui, s'expose pas. Mais ça risque de pas durer comme ça, parce que Frances a littéralement laminé Facebook au Congrès. Et on a le détail, ça y est, on a les fichiers PDF, si vous voulez, des 8 plaintes qui sont quand même très graves. Donc parmi les 8 plaintes, on a le rôle de Facebook dans l'insurrection du 6 janvier, la modération laxiste du contenu haineux, la santé mentale des adolescents, l'usage de Facebook pour le trafic d'êtres humains, et oui, rien que ça, la promotion de contenu polarisant, la modération à deux vitesses des VIP, on avait parlé aussi, la facilitation de la haine raciale, et pour couronner le tout, la dissimulation des vrais chiffres de sa base utilisateur et la surfacturation de ses services publicitaires. Alors toutes ces plaintes sont placées sous l'angle « Facebook ment à ses investisseurs parce que » ou bien « Il a menti au Congrès en disant que » etc. Par exemple, « Il a menti à ses investisseurs en disant qu'il promeut des « meaningful social interactions » bon, alors que ne sont pas si meaningful que ça, qui modère aussi si bien qu'il le peut, etc. Donc, la dernière plainte, quand même, est savoureuse. Celle, parce que bon, ça pourrait faire le scandale Facebook de la semaine, notre petit SFS, hein, puisqu'en gros, la part des jeunes de 18-24 ans décroît sur Facebook depuis 2013. Ça vous étonnera sans doute pas beaucoup. Les jeunes trouvent Facebook négatif, fake et ennuyeux. et même durant la pandémie, hein, la part de jeunes a baissé de 13%. Mais un élément quand même vient au secours des résultats Facebook, c'est les comptes multiples. Et c'est pas anecdotique, hein, puisqu'il y a 11% des MAU, donc les Monthly Active Users, les utilisateurs actifs mensuels, qui seraient en fait des doublons, et jusqu'à 15% chez les jeunes. Et Zuckerberg a nié compter les comptes, comme des MAU en 2018, mais le CFO de Facebook, lui, est pas d'accord. Les comptes étaient comptés et le compte n'y est pas. Donc le compte des comptes, ben, c'est une vieille histoire qui a déjà été relayée dans le Financial Times. Sauf que surévaluer ton reach, ben, c'est aussi surfacturer les annonceurs. Et de 10 à 16% maximum, c'est vrai, mais à grande échelle. En personne devant le Congrès, donc Frances n'y est pas allée de main morte. Bon, elle a aussi dit qu'elle souhaitait priver les algorithmes de la protection de la section 230. Et ça serait que le début, en fait. Hein, il faudrait aussi imposer à Facebook de la transparence. Lui qui choisit volontiers les données qui le mettent en valeur. Hein. Donc c'est des demandes qui résonnent quand même pas mal avec les projets de réglementation européenne, comme le Digital Service Act pour le volet transparence et modération, et le Digital Market Act pour le volet plutôt concurrence. Bon, c'est des textes qui sont très disputés, évidemment, à 27, sans compter les lobbies. Bah, les discussions, c'est toujours très animé et très long, hein, forcément. Bon. Pour conclure, disons que la Cour suprême de Facebook, elle-même, tu sais, son oversight board, voudrait aussi discuter avec Frances. Genre, tu sais, ouais, on est bien intéressé par tout ce que Facebook nous dit pas d'habitude. L'entité qu'ils ont eux-mêmes initiée, effectivement. Alors c'est presque une continuité de la discussion précédente, Jérôme, quand on observe tout ça. On a parlé de régulation, mais il y a une autre position aussi qu'on pourrait être tenté de tenir. Moi, j'avoue que j'ai mis beaucoup de temps avant de me faire une opinion sur le sujet. Mais parfois, on peut parler de démantèlement. C'est revenu un petit peu sur le devant de la scène la semaine dernière parce qu'il y avait la sénatrice américaine Alexandria Ocasio-Cortez qui avait pris la parole en disant vous voyez bien que c'est la preuve quand il y a plein de situations de professionnels, d'utilisateurs qui sont verrouillés parce qu'il y a une panne qui concerne autant de services qu'ils ont rachetés parce qu'ils avaient peur de la concurrence, qu'il faut démanteler. Alors, Jérôme, quand on regarde ça d'un air extérieur, est-ce qu'une des solutions, ça pourrait être le démantèlement d'un groupe comme Facebook? Écoute... Je te pose des questions faciles, ouais, t'as ouais, vu, ouais, hein, pour simple, un épisode c'est, avec c'est, nous. Par oui ou par non, c'est ça. Oui, c'est ça. Non, mais c'est l'éternelle question du... En tout cas, cette affaire de Facebook, c'est vrai qu'elle est énorme. Hein. Je pense que c'est vraiment du niveau de Cambridge Analytica. Hein. Ça fait déjà 15 jours qu'on en parle. On a fait une émission pendant une heure l'autre jour chez mon camarade François Sorel sur BFM Business. Moi, j'en ai parlé dans mon podcast Monde Numérique. C'est vraiment le truc... C'est une sorte de tournant. Et c'est pas clair, cette histoire-là. Parce que je pense qu'il y a effectivement... bien sûr, plein de choses à dire. On découvre plein de trucs. Il y a un bouquin qui vient de sortir qui est super intéressant. Je sais pas si vous l'avez vu passer. Il s'appelle L'incroyable histoire, je crois, en traduction française, écrit par deux journalistes américains qui racontent les arcanes de Facebook. Il y a des trucs de fou. On découvre que pendant des années, il y avait des milliers d'ingénieurs qui avaient un libre accès à toutes les datas des utilisateurs, y compris les messages sur Messenger, y compris la géolocalisation via l'appli mobile, etc., etc. Bon, il y a des trucs pas nets. Et en même temps, cette dame, là, j'ai l'impression qu'elle a un peu tout simplement fait les... Enfin, encore une fois, ça sont des supputations, mais elle a fait les frais d'arbitrage budgétaire interne, comme il y a dans toutes les entreprises, parce qu'il y a des logiques qui s'affrontent. D'un côté, vous avez des équipes de sales qui sont là pour vendre du Facebook, faire monter l'audience, les ingénieurs. La logique, c'est qu'ils trouvent tous les trucs possibles et imaginables pour faire monter l'audience, et donc y compris des trucs vraiment pour favoriser l'addiction. Et puis de l'autre côté, il y a tous les efforts en matière de modération, une certaine préoccupation, sans doute pas assez, mais de l'influence d'Instagram ou de Facebook sur les jeunes notamment, et donc essayer de faire calmer tout ça. Ben vous avez tout ça, ça s'entrechoque, et au milieu, et ben à un moment, il faut faire des arbitrages, dire ben on va mettre plus de fric ici, plus de fric là, etc. Et elle a dû voir passer des trucs qui l'ont énervé à son niveau, et elle en a déduit que Facebook c'était le diable. Je pense, j'ai un peu l'impression qu'elle dit des choses vraies, mais il y a une vision un peu caricaturale. Mais au moins, elle donne un coup de pied dans la fourmilière, et c'est là où je pense que c'est un truc qui va vraiment avoir des suites et qui va durer longtemps, il me semble. Moi, la crainte que j'ai sur ce témoignage, sur cette lanceuse d'alerte, c'est que finalement, elle dénonce des choses, elle amène des preuves, sauf erreur, hein, vous me dites si je me trompe dans mon interprétation, mais elle amène des preuves là où On se doutait bien qu'il y avait des soucis. Combien de fois dans les épisodes, dans nos différentes émissions, dans l'actutech, on identifie tous ces problèmes, mais on n'avait pas les preuves. Là, en gros, ce qu'on a, c'est une collection de preuves qui montrent que, bon, d'une part, c'est vrai, et que d'une autre part, ils sont assez au courant en interne chez Facebook, et que, grosso modo, ils agissent un peu en connaissance de cause. Mais est-ce que ça peut avoir le même retentissement qu'une action comme celle d'Edward Snowden, par exemple ? Je ne crois pas, et je crois même que... il y a une forme de décrédibilisation de la part de cette lanceuse, enfin, vis-à-vis de cette lanceuse d'alerte. Et je ne sais pas justement si ça peut avoir là une telle portée, telle que tu l'identifies, Jérôme. Il n'y a que l'avenir qui nous permettra de le savoir, mais j'ai l'impression qu'ils ont un gros avantage Facebook, c'est qu'on sait qu'ils sont véreux. Et que malheureusement, quand quelqu'un l'affirme, je ne sais pas si on apprend beaucoup de choses, je ne sais pas si ça peut faire office de tremblement de terre. Et j'ai l'impression que très très vite, ils vont vouloir la décrédibiliser. Et que quand bien même ils n'y arrivent pas, quand bien même c'est grossier, oui, et c'est déjà fait. Mais j'ai l'impression que ça va contribuer aussi à laisser passer la poussière sous le tapis. Oui, mais quoi. Non, je pense pas, perso. Hein. Honnêtement, ce sera une grosse erreur. Essayer de décrédibiliser Frances, je pense que c'est une très grosse erreur parce que elle est quasi parfaite. Je veux dire, c'est un personnage dont le narratif, quoi, dont l'histoire, à mon avis, passe très très bien. Elle est télégénique, elle est courageuse. C'est sûr. Ouais. Elle a une figure héroïque un petit peu. Ah oui, puis elle a bien préparé son plan média. Hein. En plus, elle est blindée au niveau des documents. Elle formalise, parce que bon, c'est vrai qu'on sait que Facebook est véreux tout ça, mais là maintenant, c'est formalisé. Oui, il y a les documents qui l'attestent. C'est formalisé sous la forme de 8 plaintes à la SEC. C'est pas rien, c'est énorme en fait. Donc, je pense que c'est quand même assez fort, d'une part, et je pense que médiatiquement aussi, elle passe très bien. Et que s'ils attaquent l'image médiatique de Frances, à mon avis, ils risquent de se retrouver comme... Il y avait un parallèle qui avait été fait, alors je sais plus où j'ai lu ça, mais il y avait un parallèle qui avait été fait entre Facebook qui essaie de... Si Facebook essaie de décrédibiliser Frances, il se disait, ça va être exactement comme les grands cigarettiers qui essayaient de décrédibiliser à l'époque les gens qui, oui, c'est vrai, qui disaient que les cigarettes c'était pas bon pour la santé. Ça leur est, il y a eu un retour de flamme à ce niveau-là. Moi, je crains qu'il y ait je crains une queue d'arles pour Facebook en personnel. En tous les cas, on comprend ce que tu veux dire. Je pense qu'il pourrait y avoir un gros retour de flamme s'ils attaquaient médiatiquement Frances, parce qu'à mon avis, elle est très bien placée. Très bien. Bon, on va passer à un autre sujet maintenant. C'est le conflit qui oppose les personnes qui veulent défendre un internet qui soit protégé d'images pornographiques et forcément l'industrie derrière, et puis surtout toute la manière dont c'est organisé et dont on peut limiter les choses. Alors Guillaume, ça redevient là un sujet qui revient au devant de la scène. Ben oui, j'ai vérifié pour vous cet après-midi, on peut encore aller sur Pornhub ou X-Hamster. Hein, j'ai vérifié aussi. Donc, ça devrait pas durer, en fait. Ah ben, j'ai pas vérifié, moi, je fais mal mon boulot. Ah ben voilà, c'est ça. C'est ça, en pleine journée, t'es sur Pornhub. Excusez, hein. Sur Pornhub, tu sais, toi, ta femme te regarde. Non, mais c'est pour le boulot, qu'est-ce que tu crois, non, franchement. Bon, enfin, en tout cas... Bien sûr. Ça devrait pas durer, puisque ça fait un an qu'il y a sur la table cette question de vérification d'âge sur les sites adultes, qui démontre encore, s'il le fallait, qu'il est beaucoup plus facile de dire des trucs que de faire des trucs. Parce que Macron a dit, il faut que les sites porno soient sûrs que leurs visiteurs aient plus de 18 ans. Bien sûr, il dit pas comment. Donc, découvrant de manière manifestement tardive que personne ne donne sa vraie date de naissance sur Internet, il y a des assos qui assignent les FAI en justice. Alors, pourquoi les FAI ? Aucune idée. En tout cas, ils ont perdu, découvrant au passage peut-être que les FAI font transiter du porno, mais pas seulement. Cela dit, l'État a décidé quand même d'abattre son implacable glaive en mousse sur la tête de tous les petits coquins qui cherchent à se rincer l'œil illégalement sur le PC familial, puisque les sites qui ne vérifient pas correctement l'âge de leurs clients se verront effacés d'Internet par la magie du blocage DNS. Et les internautes seront même redirigés vers le site du CSA, qui n'en demandait pas tant et qui va sans doute décéder sous des torrents de requêtes seconde une de la mise en œuvre de cette loi. Ça va faire mal. Outre le fait que cette mesure en bois n'arrêtera certainement pas un petit coquin capable de suivre un tuto YouTube d'une minute trente, il y a toujours, dans tout ça, il n'y a aucune indication de comment va se passer la vérification de l'identité concrètement. Bon, en attendant, je connaissais pas Tu Kiffes, ni Ici Porno, ni même Mister Sex. Donc merci aux associations, ça me rappelle les rapports de la Hadopi qui permettaient de découvrir des nouveaux sites de streaming que tu connaissais pas. Bon, franchement, vous précipitez pas sur les aspirateurs pour faire un miroir local de YouPorn, je pense que ça vaut pas le coup. Jérôme, c'est une situation clairement insoluble, hein. On l'a déjà longuement dit, mais peut-être que ton regard va nous amener à une autre façon de voir les choses, j'en sais rien, mais enfin, je vois pas de solution, puisque toutes les solutions qu'on a pu évoquer tombent un peu à l'eau, et finalement, vérifier vraiment qu'une personne est majeure pour consulter un site porno, ça me semble complètement utopique, en fait, non ? Ah ouais, non, mais moi je vais te décevoir, mais j'ai pas la solution. Hein. Oh mince, je pensais que tu nous trouverais une solution qui mettrait tout le monde d'accord, je suis déçu. Non, ce serait trop simple. Bah, effectivement, c'est un casse-tête infernal. Comment préserver l'anonymat tout en contrôlant l'âge. Alors, il y a plein de trucs, mais j'ai vu qu'il y avait plein de trucs qui avaient été envisagés. Bon, il y a le coup de la pièce d'identité, de la carte bancaire, comme ils ont essayé de faire en Grande-Bretagne, etc. Ou d'un tiers de confiance, mais c'est vrai qu'on imagine mal se connecter à Pornhub en passant par, comment ça s'appelle, le truc... Par MindGeek, c'était MindGeek qui voulait non. Ouais, il y a France Connect, je sais pas de quoi tu... Oui, il y a France Connect, ouais. Ah oui, il y a France Connect, voilà. France Connect, c'est le truc qui te permet de consulter tes impôts et de faire tes déclarations URSSAF quand même. bon, voilà, c'est un peu. Non, non, c'est un vrai casse-tête, cette histoire-là. Je sais pas comment ils vont faire. Je sais pas comment ils vont faire. Ce qui m'interpelle d'ailleurs, et on peut continuer. La solution, c'est Netflix. Alors, tu vois, la solution, c'est Netflix, effectivement. c'est quand même dans la continuité de notre conversation, puisqu'on parlait de régulation, d'intervention des États, etc. Mais là aussi, ça en dit long, à partir du moment où on a des gouvernements qui donnent des instructions qui sont des instructions impossibles à suivre et qui soulèvent plus de problèmes que de véritables qui apportent de solutions, du coup, on se dit, ouais, il y a quand même un décalage entre la réalité technologique et les gouvernements qu'on peut avoir. Mais bon, on n'apprend pas grand-chose. Malheureusement, on se répète. Ouais, mais si on était au gouvernement, vous et moi, eh ben, on ferait sans doute la même chose. Parce que... Alors ça, c'est un vrai sujet. Hein. C'est vrai, t'as raison. Ouais. Est-ce qu'on ne ferait pas exactement la même chose ? Alors, est-ce que déjà, on aurait envie d'être à leur place ? Je ne sais pas. C'est peut-être plus facile de critiquer que d'avoir les mains dans le cambouis. Mais je ne sais pas, en fait. Voter les podcasts tech. Bon, écoute, on verra ce qui va se passer. Et puis, on va terminer ce vide juridique avec les USA qui initient quelque chose. Ils veulent créer une force de l'ordre qui va lutter contre les abus des crypto-monnaies, Guillaume. Oui, bah, c'est une news assez rapide, en fait. Hein. Le département de la justice américain veut créer le NCET, le National Cryptocurrency Enforcement Team, qui va s'occuper tout simplement des crimes qui sont commis. Alors, des crimes, en fait, ça va globalement s'occuper de toutes les bourses de crypto qui s'occupent du blanchiment de Bitcoin, de blanchiment de crypto, qui sont largement utilisés par les cybercriminels. Hein. Quand tu payes donc un ransomware, cette rançon, évidemment, elle va vers une adresse. Et en général, cette adresse, elle va dans une bourse très particulière, qui, en fait, mélange les transactions, qui fractionne les montants, qui mélange les transactions entre elles, etc., pour essayer de rendre la chose intraçable, tout simplement. Et donc, cette activité de blanchiment qui existe donc tout à fait avec les crypto-monnaies, elle est complètement dans le viseur donc du département de la justice, qui veut taper, évidemment, là où ça ferait le plus mal pour les ransomware, c'est-à-dire les moyens de paiement, tout simplement. Donc, c'est une sorte de brigade crypto-financière, en fait. C'est une bonne action quelque part, mais après je me demande quelle est leur capacité, leur portée. On peut espérer effectivement que ça arrive à porter ses fruits. En fait, c'est pas si difficile que ça, parce que quand quelqu'un paye en ransomware avec une adresse de wallet, on sait où elle part, on sait où ça part, et donc on peut le suivre sur la blockchain, et donc on peut savoir dans quel en fait, en gros, si ça rentre dans un exchange mais que ça en ressort pas, c'est qu'il y a peut-être un petit truc qui s'est passé, quoi. Bon, initiative a priori pertinente. Je sais pas si Jérôme, ça t'inspire quelque chose dans le monde des crypto-monnaies ou des abus qui peuvent être faits avec les crypto-monnaies. Est-ce que par exemple l'Europe devrait initier ce même type de dispositif? Moi, ce que je trouve amusant, c'est la réaction des États et des institutions, des banques, etc. par rapport à tout ça. Ils sont dans une espèce de tétanie. Le fait est qu'il y a encore tellement d'inconnus, on sait pas trop ce que tout ça va devenir, mais il y a en plus une réaction très française, très européenne, mais aussi de très lié à cette prudence et à cette peur, qui est de dire toute façon c'est que du mauvais, quoi. Ça va être le blanchiment, c'est ceci, c'est cela, on peut rien faire et on peut pas laisser se créer une économie parallèle hors sol totalement incontrôlable. Et puis, c'est vrai que face à ça, il y a le discours qui légitime l'usage des crypto-monnaies, qui est de compenser certainement des tas de choses qui sont plus du tout adaptées à notre époque en termes de paiement, de flux d'argent, etc., de services offerts par les banques. Et puis, il faut arriver à mettre plus de fluidité dans tout ça. Et donc, les cryptos, c'est une bonne réponse. Mais c'est une espèce de... C'est toute l'histoire d'Internet. Ça, c'est tout à fait l'un des symboles de l'histoire d'Internet, quoi. C'est un formidable Far West, enfin, plein d'opportunités, mais c'est le Far West, plein de problèmes, et on ne sait pas où on va. Il va falloir encore des années pour que ces trucs-là se stabilisent, quoi. C'est assez vertigineux, en réalité, hein. Oui, tu as assez raison. Je pense que c'est assez emblématique. Moi, c'est vrai que ça, c'est toujours le genre de sujet qui peut me faire un peu peur, parce que c'est vite quelque chose qui peut déborder et qui peut faire abuser plein d'usages qui étaient déjà problématiques. Mais je comprends tout à fait ton regard, et c'est un regard bienveillant sur la tech que tu portes, et donc c'est important que tu puisses le partager. Oui, mais quand Facebook a annoncé sa monnaie Libra, là, moi j'avais fait l'interview de David Marcus, le papa de ce truc-là, de ce projet, et je trouvais ça génial parce que effectivement ça répondait à plein de problèmes qu'on a aujourd'hui avec les systèmes traditionnels de paiement et autres. Et puis finalement après, ça m'a un peu fait penser au piratage de musique, où on trouvait tout ça génial, on trouvait tout ce truc là génial, mais on oublie que finalement ça développe une criminalité, d'un côté les piratages, de l'autre côté là ça va être des flux d'argent incontrôlables. Oui, c'est pas facile, hein, de hacker l'État proprement, en fait. C'est pour faire court. On n'a pas trouvé encore la recette miracle, effectivement. Puis, tout est histoire de proportion, encore une fois. Je pense que l'image que tu donnes sur le piratage et le streaming de musique, c'est aussi une histoire de proportion, finalement. On l'a pris dans l'histoire. Allez, on change, on reste dans les domaines juridiques, mais on va aller un petit peu à l'inverse, là, du 100% pur jus plein juridique. Guillaume, on a du nouveau du côté du procès qui voit s'affronter Apple et Epic, parce que Apple a décidé finalement de revenir sur le jugement qui a été quand même globalement favorable. Enfin, il y a matière à discuter là-dessus. Oui. Mais ils sont revenus dessus, Guillaume. Oui, le procès Epic contre Apple, c'est Apple qui l'a gagné, c'est ce qu'a dit Apple. C'est aussi un petit peu ce que disait Epic, d'ailleurs, puisqu'ils ont fait appel. Mais là, finalement, Apple aussi fait appel. Donc, j'aime bien Apple fait appel. Oui, c'est dur à dire, on va pas y arriver. Pas mal. Mais ça passe encore mieux en anglais, puisque Apple made a pill. Tu peux l'écrire aussi Apple made a pill, c'est-à-dire la pomme fait une pelure. Et j'aime beaucoup. Et c'est Tim Sweeney qui l'a tweeté en premier. Respect à lui. Donc, ils sont finalement d'accord, en fait, hein, tous les deux. Voilà, ils sont pas contents. Epic, parce qu'il a eu gain de cause que pour une seule chose. C'est-à-dire, les devs doivent être autorisés à renvoyer sur des plateformes, à pouvoir être renvoyés sur des plateformes de paiement alternatives. Et presque un mois plus tard, Apple s'est soudainement réveillé et a décidé que, non, c'était encore trop. En fait, on soupçonne que Paddle n'y soit pas étranger. Alors, Paddle a réveillé Apple d'un grand coup de pagaie dans la tronche en proposant un système de paiement avec une commission de 5 à 10% qui prend très simplement la forme d'un lien à mettre dans ton appli et c'est tout. Donc, c'est vraiment un truc minimal, mais c'est un service qu'ils donnent. Et c'est un truc qu'Apple est désormais forcé à accepter, enfin, en tout cas, à partir du 9 décembre, selon l'injonction du tribunal. Et donc, il veut le bloquer le plus vite possible. Parce que c'est quand même la première boîte à tenter de tirer directement avantage du procès. Il semble sur le point de créer un précédent, et Apple ne veut pas tolérer ce précédent, ne veut pas de ce précédent. Alors pas pour lui, hein, attention, non, pas pour les millions ou les milliards de dollars de commissions qui vont lui passer sous le nez, bien sûr que non. Non, c'est pour vous, pour votre sécurité. Parce que Apple, il peut pas vous protéger si vous allez sur Internet, la jungle post-apocalyptique aux mille périls, Internet qui est dangereux. Parce que vous savez, Apple vous protège. C'est connu, hein, qu'il n'y a absolument aucun scam sur l'App Store, hein, qu'il y a zéro application chelou avec des abonnements impossibles à annuler, ça n'existe pas. Donc, retour au tribunal, et franchement, je le cache pas, j'espère que le jugement sera moins favorable à Apple, cette fois-ci, ça me ferait mourir de rire. Tu vois, j'ai gagné, mais je veux gagner plus. Ah, si seulement. Tu sais, ça me rappelle tellement Chirac. Oui, quoi ? Oh, attention à ce que tu vas dire. La dissolution en 97. Ah oui, oui, je sais, ça commence à dater un petit peu. Les plus jeunes d'entre nous n'auront pas compris la référence, mais je l'ai saisi, Guillaume. On a un parti pris assez évident sur ce sujet, Jérôme. Je ne sais pas, est-ce que tu vas dans le même sens que l'analyse de Guillaume, ou est-ce que tu as un regard un peu plus critique ou peut-être plus nuancé sur ce conflit ? Guillaume, je trouve que t'es un peu dur sur le côté sécurité, parce que oui, il y a des applis un peu merdiques, mais sincèrement, je pense qu'il y en a moins qu'il pourrait y en avoir si, d'abord, il y en a moins que sur Android, et il y en a moins que si Apple ne faisait rien. Quand même. Donc, c'est pas des saints, mais ce côté hyper contrôlé et tout, je pense qu'on en tire bénéfice. Après que Apple abuse un peu de sa position dominante, c'est quasiment certain. Et cette histoire-là, ça les remet un peu en question, et c'est pas plus mal. Et je pense qu'effectivement, ça fera du bien à tous les développeurs, les petites entreprises, les petits développeurs. Qui se font un peu tordre le cou, qui ont tellement besoin d'être sur Apple, mais qui du coup sont obligés de passer par les fourches codines de l'App Store, etc. Et ils n'ont pas beaucoup de marge d'œuvre. Je pense qu'il y a effectivement un rapport de force à rétablir un peu dans l'autre sens, quoi. Bon, j'ai interviewé il y a pas très longtemps un porte-parole d'une association qui existe au niveau européen et qui fédère des petits développeurs et qui a engagé véritablement un bras de fer contre Apple pour essayer de faire valoir ses droits. C'est-à-dire qu'ils partent du principe que ce qui fait la valeur de l'iPhone et de l'App Store, ben, c'est aussi la présence de toutes ces petites applications. Après, c'est vrai que dans le lot, il y a des applications carrément dégueulasses qui sont là juste pour t'escroquer, et il y en a d'autres qui sont sans doute pas très bonnes, pas très intéressantes, qui vont être plus une nuisance qu'autre chose. Mais c'est pas le cas, et il faut quand même que Apple, on le remette un peu à sa place pour laisser un peu d'air à tous ces applications et tous ces développeurs qui sont hyper créatifs et qui contribuent à l'innovation et à la créativité. Donc, je pense qu'en ce sens, le coup de force de Epic Games, c'est plutôt pas mal. On parlait, oui, je suis toujours un petit peu sévère avec Apple, mais c'est ma marque de fabrique. C'est de bonne guerre. Non, pas vraiment, mais si, remarque, si, un petit peu. Oh, évidemment, si. Non, mais il faut être sévère, mais il faut être sévère avec tous, dans ce cas-là. Ouais, c'est pas faux. Mais j'essaye. Mais non, mais on parlait de Twitch tout à l'heure, et d'ailleurs, ça me fait penser que j'avais vu passer les commissions que prend Twitch sur les abonnements, les dons, etc. C'est assez énorme aussi, hein. Je pense que dès qu'une plateforme devient vraiment très grosse et devient quasi monopolistique, quand même, tu le sens passer. Hein, ouais. En même temps, moi, je créerai une plateforme et j'aurai le succès de Twitch, je prendrai une grosse commission aussi. C'est ça. Voilà, parce que j'essaierai de pouvoir payer les gens à un bon niveau, de pouvoir investir, etc. C'est un peu toujours la même histoire. Oui, et puis en plus, c'est pas une position, pour le coup, mensongère. Elle est transparente. Alors, elle peut être imposée et on peut difficilement la contester, mais au moins, elle est transparente, c'est sûr. Et après, ça n'empêche pas visiblement certains de dégager des jolis bénéfices. Hein, et tant mieux pour eux. Et tant mieux pour eux, absolument. Je ne sais pas si vous aviez vu au passage, il y a Apple qui a commencé à refuser les applications d'horoscope. Ils ont dit qu'il y en a trop. Maintenant, stop les applications d'horoscope. On garde que les meilleures. On garde celles qui sont existantes, sont déjà bien. Que les plus fiables. Les plus fiables. Il faudrait mesurer quelle est la plus fiable. Si vous avez des recommandations d'applications d'horoscope qui marchent bien, vous savez à quel point c'est un sujet qui nous passionne. Autre sujet qui va nous permettre d'évaluer si il va être possible de lutter contre des positions considérées comme dominantes pour Apple, c'est l'Europe qui voudrait nous permettre de payer avec l'iPhone, mais avec autre chose qu'Apple Pay, Guillaume. Oui, l'Europe, effectivement, l'Europe, elle légifère, l'Europe, elle réfléchit, et coup et tout, hein, attention, on est en pointe quand même. Donc déjà, effectivement, Apple va devoir se la jouer un petit peu plus collectif, hein, puisqu'elle veut forcer Apple à ouvrir l'usage de sa puce NFC aux développeurs tiers. Bon, ça faciliterait la vie de tout le monde, en fait, puisque là, chacun doit... Ah, des gens qui prennent le métro à Paris, exactement. Hein. Mais c'est exactement ça qui est en ligne de miracle, hein, puisque là, tout le monde doit passer par Apple tout le temps, bon. Donc c'est assez casse-pied. Et puis bon, puisqu'on y est effectivement en Europe aussi, donc les députés européens se sont prononcés contre la surveillance de masse et contre plein de trucs en fait qui sont effectivement pas très cool. Hein. Donc par exemple, les systèmes d'intelligence artificielle, les algorithmes qui doivent être ouverts, il faudrait interdire aussi les bases de données privées de reconnaissance faciale, la police comportementale et la notation des citoyens, et la reconnaissance automatique d'ailleurs ne devrait pas être utilisée pour le contrôle aux frontières dans l'espace public. Faut voir que il y a quand même des projets disons, un petit peu effrayants, quoi, comme High Border Control, qui est un système de détection de mensonges basé sur le deep learning. Bon, j'ai un peu des doutes. Il y a aussi, évidemment, donc on pense à la notation, donc qu'on a vu dans Black Mirror, par exemple, la notation comportementale des citoyens. Bon, le score social, en fait, hein, puisqu'on pense évidemment à celui de la Chine. Et donc, oui, ils ont voté contre tout ça, si tu veux, donc dans une résolution qui a été adoptée par 377 voix pour, 248 voix contre et 62 abstentions. Donc, moi, j'apprécie quand même les 248 gars qui considèrent que Black Mirror, bah, c'est pas si pire comme modèle de société, finalement, ça roule. Ou encore les 62 qui semblent battre le steak. Les États qui tombent globalement d'accord, Guillaume, sur une taxe minimale pour les entreprises de la tech. Oui, bah, ça, c'est un sujet dont on parle depuis au moins le mois de juillet, hein, sous l'impulsion de Joe Biden. Il y a un accord international sur une taxe minimale de 15% pour les entreprises qui était en discussion, avec notamment, bien sûr, une opposition franche de l'Irlande, qui taxe à 12,5%. Et qui a du coup pas moins de 1500 multinationales installées sur son sol. Donc finalement, après des discussions qu'on imagine intenses, hein, et moyennant l'élimination du « au moins » dans le « au moins 15%, », eh ben ça y est, l'Irlande arrête de faire sa mauvaise tête. Hein. Et donc c'est les 136 pays qui sont d'accord entre eux, ça veut dire déjà toutes les nations de l'OCDE et du G20, et c'est collectivement 90% du PIB mondial. Donc voilà, elles sont d'accord sur un point. Les multinationales devront payer les taxes là où elles génèrent des profits, et pas seulement là où elles ont une présence physique, et ces taxes seront au moins de 15% pour toutes celles qui ont un chiffre d'affaires supérieur annuel, hein, à plus de 750 millions. Pour les autres, en Irlande par exemple, ça restera 12,5%. Alors la différence entre différence de 2,5% ne semble pas énorme, hein, mais dans l'ensemble, toutes ces mesures-là, ça pourrait quand même rapporter à terme 150 milliards en plus par an. Donc tout ça, c'est bel et bon, hein, mais on pourrait discuter 15%, c'est suffisant ou pas, etc. Mais concrètement, de toute façon, le mot important dans la phrase précédente, c'est « à terme ». Parce que c'est pas fait, c'est pas encore en vigueur, ce truc. Hein. L'OCDE anticipe une mise en place en 2023, mais c'est loin d'être acquis, parce qu'il faut que chaque pays fasse passer des lois nationales, et à commencer par les États-Unis eux-mêmes, qui sont pourtant initiateurs du truc. Hein. Ben, il va falloir que le traité soit ratifié par les deux tiers du Sénat, ce qui est peu probable, et à moins d'une divine surprise de ce côté-là, ben, il faudra attendre une réforme des impôts proprement dite, ce qui nous amène en 2025 carrément. Donc il n'est pas du tout clair que cet accord soit ratifié avant une autre élection présidentielle. Et franchement, je me refuse à penser à la prochaine élection présidentielle américaine, et d'ailleurs à la nôtre non plus. Hein. Je veux profiter d'une période d'insouciance béate, d'ignorance bienheureuse, du calme avant la tempête de caca, comme disent les Américains. Chanceux que tu es. Jérôme, tu nous interromps si tu as la moindre remarque ou élément à compléter. Non, évidemment. Non, je bois vos paroles. Ah, il a tellement bien préparé ces éléments-là, Guillaume. Et on va voir si on va autant boire ce qu'il va nous relayer. Et là, je pense qu'on a peut-être matière, alors parfois à sourire ou à espérer, va savoir. Mais il y a une nouvelle loi anti-Amazon, vous savez, hein, ça revient là aussi souvent sur le devant de la scène, qui vise à aider les libraires qui souffrent de la distribution de livres par Amazon avec la livraison gratuite. Suite, Guillaume. Il y a eu un texte en 2014 hein, qui interdisait ça interdisait à Amazon de proposer la remise de 5% en plus de la livraison gratuite. Bon, alors on sait tous que bien cette fois, Amazon a contourné ça avec le centime symbolique, hein, l'envoi au centime. Donc la loi vise à rétablir une équité entre les librairies et les plateformes en ligne. Donc évidemment, on nomme jamais Amazon précisément. Donc le syndicat de la librairie française estime que l'envoi postal devrait être entre 6,50€ et 7€. Bon, c'est débattu, mais globalement, on va remettre des frais d'envoi minimaux qui sont entre 2 ou 3€. Alors Amazon et la FTAC adaptables sur 2 à 3€. Évidemment, ça serait plutôt 3 à 5€ du côté du syndicat. Bon, en tout cas, on essaie de rééquilibrer un petit peu tout ça. Bon, forcément, je vous entends déjà, ça va faire débat. Est-ce que ça va pousser les Français à retourner en librairie ou pas? Est-ce que Amazon va se débrouiller pour contourner encore une fois cette loi-là? Est-ce que de toute façon vous vous en foutez parce que vous voulez absolument votre livre à 18h le soir? Donc il n'y a qu'Amazon qui peut proposer ce genre de truc. Je vous laisse le juger. Alors moi je m'en fous parce que je lis que des livres électroniques. Déjà, t'as réglé le problème, effectivement. C'est extrêmement rapide. Mais cela dit, attends, l'histoire c'est quoi? C'est que les frais de port par la poste des livres vont baisser, c'est ça? Enfin, il serait question de les brider. De les brider, mais vers le bas, c'est-à-dire en fait... Oui, vers le bas, oui, c'est ça. Obliger Amazon à faire payer 2 ou 3 euros, peut-être plus, l'envoi des livres. Ah oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas qu'on va rendre le transport gratuit pour les libraires, on va le faire payer pour Amazon. Oui, bien sûr. Oui, bon, c'est n'importe quoi. Et puis, on imagine bien qu'il y aura effectivement des pirouettes que trouveront Amazon sur le sujet. Moi, à chaque fois qu'on aborde ce sujet, je me complais à relayer ce qu'on m'avait appris. Et je fais un petit clin d'œil à Bertrand Soulier qui m'avait assez longuement relayé cette position. Et je comprends ce qu'il voulait dire. Il disait que c'était pas tant Amazon qui avait fait souffrir les libraires français, mais que c'était plutôt la grande distribution. On sort un peu, hein, là aussi, des sujets tech. Non, mais c'est vrai, ça. Il disait à quel point les stands de librairie, des Auchan, des Carrefour, etc., avaient fait beaucoup de mal aux libraires. Et je peux le comprendre. Alors, j'ai pas de chiffres, hein, mais je pourrais tout à fait l'entendre. Enfin oui, non, mais il y aurait tellement à dire là-dessus, parce que Amazon aussi, en tout cas, il fait pas plaisir aux libraires, mais il fait très plaisir aux éditeurs. Ça, c'est clair. Faut pas l'oublier. Et c'est quand même les éditeurs qui diffusent les livres. Et c'est quand même les auteurs qui les écrivent aussi. Parce que le livre, moi, j'écris quelques bouquins. Bon, c'est formidable, les livres, hein, mais c'est une longue chaîne d'intermédiaires dans laquelle l'auteur qui est à la source, lui, il récupère qu'une toute petite partie du prix du livre. Et sur les frais de port, notamment, moi j'ai été confronté à ce problème-là, eh bien c'est vrai qu'il y a une loi en France qui est que on peut avoir des frais de port réduits quand on envoie les livres à l'étranger. Et dans certains pays, pas dans tous, parce que c'est dans le cas de la diffusion de la culture française, etc. Mais tu veux envoyer juste à l'autre bout de la France un bouquin qui coûte 12 euros, eh bien ça va te coûter entre 3 et 6 euros, enfin un truc de fou, quoi. C'est absurde, on marche sur la tête. Jusqu'à la moitié du prix du bouquin, on va savoir. Ben oui, ouais, exactement. Allez, on va conclure cet épisode en ta compagnie, Jérôme, avec une petite rubrique jeux vidéo. Alors, il y a une question rituelle hein, à chaque fois qu'il y a une nouvelle voix qui rejoint les participants à Tech Café quand on aborde la rubrique jeux vidéo. C'est d'essayer d'identifier un peu le profil de gamer que tu représentes. Jérôme, est-ce que tu es un joueur passionné, investi, ouais, ou très occasionnel ou inexistant? Alors, je vais vous décevoir. Je ne suis pas gamer. Oh. Je l'ai été. Non, mais je l'ai été. Alors, je vais faire mon vieux machin. Au contraire, vas-y, tes souvenirs de gamer les plus récents. Ouais, mais c'est presque mes souvenirs de guerre. Moi, ma maman était très fière parce que j'avais fabriqué moi-même un jeu électronique. C'était Pong à l'époque. Voilà, je l'avais avec le fer à souder, tout ça, machin. Génial. Et on jouait à ça sur la télé. Après, je me suis beaucoup intéressé aux jeux vidéo pendant des années, mais parce que c'était la performance technique qui m'intéressait. Ouais. C'était l'époque où on ne cessait d'aller vers du mieux, vers la réalité virtuelle, vers des images toujours plus belle, vers les effets de lumière, les trucs, les machins. C'était ça qui me faisait kiffer, vraiment. Et puis après, là, aujourd'hui, on est arrivé, je pense, à une espèce de plateau. Bon, on essaie de nous vendre des concepts marketing, le ray tracing et compagnie, etc. Bon, franchement, entre la PlayStation 4 et la PlayStation 5, t'as pas beaucoup de différence. Et comme, du coup, ça stagne au niveau technique et que moi, je ne suis pas un joueur, c'est-à-dire que je joue pas au loto, au machin, au truc, ça, j'aime pas. Enfin, ça j'aime, j'ai l'impression de perdre un peu mon temps, je suis pas gamer. Bah du coup, j'ai lâché le jeu vidéo pour ces raisons-là. Et puis c'est aussi parce que quand on vieillit, on devient de moins en moins bon, de moins en moins de réflexes, et on en a marre de se faire tuer par les plus jeunes, quoi. Oh, ça se confirme. Alors le sentiment que j'ai en ce moment va s'accentuer, si ça se trouve. Ça ah me fait bah la oui, peine. Oui. Et est-ce que la réalité augmentée, la réalité virtuelle, trouve grâce à tes yeux, peut-être parce qu'il y a des aspects d'usage en dehors des jeux vidéo? Oui, mais parce qu'exactement pour les mêmes raisons que ce que je viens de t'expliquer. C'est-à-dire que moi, quand je mets l'Oculus et que je découvre des nouveaux programmes en réalité virtuelle, c'est des trucs qui n'existaient pas avant. Et c'est la performance technique, c'est l'expérience nouvelle. Ça j'adore. J'ai l'Oculus qui t'emmène dans la station ISS et puis tu te balades là-dedans, etc. Ouais, ça, j'adore ça. Ouais. Et alors, ultime question avant de laisser Guillaume qui doit frénétiquement attendre de dérouler sa chronique autour des jeux vidéo. Est-ce que tu as eu l'occasion de tester les Magic Leap, justement, ou les produits de Microsoft? J'ai testé HoloLens, oui, et HoloLens Mesh, c'est-à-dire la version réseau. J'ai testé, je crois, tous les casques de réalité virtuelle. J'avais été, je crois, l'un des premiers journalistes français à avoir testé la première version du HTC Vive quand ça avait été dévoilé au Mobile World Congress de Barcelone. Et j'étais complètement sous le charme. C'était extraordinaire. Et voilà, oui, non, ça, il y a plein de trucs super, c'est vraiment des... Et puis ce que j'ai adoré là tout dernièrement, c'est les Facebook Workrooms. Je ne sais pas si vous l'avez essayé. Alors moi, je ne l'ai pas testé. J'imagine que Guillaume non plus, forcément. Ah bah moi, j'ai testé. C'est fabuleux. C'est génial. Alors c'est du boulot. Hein. Enfin, c'est plutôt... L'idée, c'est de... On se connecte à plusieurs et on se retrouve projeté dans une salle de réunion pour travailler. Hein. Donc c'est plutôt orienté boulot. Une salle de réunion virtuelle. On est représenté par des avatars. Et c'est hyper bien fait. Il y a une captation des mouvements des mains, une captation même des mouvements du visage ou en tout cas de la parole, ce qui permet d'animer la bouche de l'avatar. Il y a l'intégration. On peut intégrer de la vraie vidéo, de la visio à l'intérieur. Et ça donne. Il y a du son spatialisé. Donc ça donne une sensation de proximité avec les gens qui sont là, avec lesquels on peut parler. Tu te tournes sur la gauche et tu peux chuchoter quelqu'un, quelque chose à la personne qui est virtuellement sur ta gauche. Et c'est, ça n'a rien à voir avec les visios débiles et fatigantes qu'on a faites à répétition pendant le confinement. Je pense que c'est vraiment une dimension intéressante. Pour le boulot, c'est super bien fait. Ils ont fait vraiment un super boulot. C'est très intéressant ce que tu dis parce que ça fait plusieurs... j'ai entendu à plusieurs reprises des témoignages qui vont dans le même sens que le tien. Que ce soit d'ailleurs des personnes enthousiastes de la réalité virtuelle ou pas, des personnes critiques de Facebook ou pas, il semblerait effectivement que les tests soient assez convaincants. Ça donne envie de tester encore plus. Alors justement, forcément, on parlait de casque, de réalité augmentée, de réalité virtuelle. Guillaume, on a du nouveau avec un acteur qui revient d'outre-tombe, c'est Magic Leap, justement. Ben oui, Oculus peut trembler, enfin, ou trembloter. Enfin, je sais pas, avoir un petit frisson sur la nuque au moins, je sais pas. Enfin, toujours est-il que c'est pas un, mais deux nouveaux concurrents reviennent sur la scène de la réalité virtuelle augmentée. Alors, ouais, je sais, hein, ce sont des nouveaux concurrents, comment est-ce qu'ils peuvent revenir, hein? C'est quoi cet embrouille? Alors, le premier, c'est Magic Leap, ouais, dont on n'a jamais vraiment su de qui ils étaient les concurrents, malheureusement. Après, alors, ils étaient virtuels du début à la fin. Hein, c'est... Ouais, ils ont... c'est vrai qu'on pensait que c'était les concurrents d'HoloLens, et puis finalement, bon... Enfin bon, en tout cas, après ce qu'on peut appeler avec indulgence le total naufrage du Magic Leap One et le licenciement de la moitié de son personnel quand même, mais Magic Leap revient après une levée de fonds de $500 millions supplémentaires. Incroyable. Et là, évidemment, la question se pose, comment font-ils? Après avoir englouti 3 milliards pour le Magic Leap One, comment font-ils? Comment est-ce qu'on trouve autant de pognon aussi facilement? Parce que franchement, moi, je veux le savoir. N'oublions pas que j'ai un Steam Deck à acheter. Donc, franchement, si vous savez. Bon, Magic Leap revient donc avec Magic Leap 2, qui est donc plus, mieux, meilleur que l'un. Donc il y a deux fois le champ de vision, il est 20% plus léger, c'est à peu près tout ce qu'on sait pour le moment. Bon, le prix et le public visé donc n'est pas vraiment connu. Et d'ailleurs, depuis, le CEO de Magic Leap est parti, et c'est été remplacé par Peggy Johnson, qui est une ex-Microsoft. Et elle table sur une forte croissance de la réalité augmentée, dont le marché pourrait croître à 140 milliards en 2024. Bon, surtout grâce au quatrième confinement et à la septième vague du variant Omega, hein, sans aucun doute. Arrête. Donc, le deuxième concurrent d'Oculus, c'est HTC avec son Vive, et oui. Alors le Vive Focus, Vive Focus contre Oculus Quest, Vive tout court contre l'Oculus Rift, tout simplement. Et du coup, là, est-ce que c'est un nouveau concurrent? Ben en fait, un peu, parce que le Vive Focus était déjà un casque VR autonome, c'est vrai, mais il était cher et il a franchement jamais fait de l'ombre à l'Oculus Quest. Alors que là, Vive arrive avec un nouveau truc, enfin on s'y attend depuis un moment, parce qu'il y a beaucoup, voilà, il y a eu quand même beaucoup de fuites. Et donc il revient avec un truc qui s'appelle le Vive Flow. Donc c'est un casque VR autonome qui est à destination du grand public et qui va aller avec, roulement de tambour métaphorique, hein, un métaverse. Et oui, puisque Vive est donc un nouveau concurrent d'Oculus sur le concept du métaverse. Bon, c'est jeudi, hein, devrait être formellement dévoilé ce truc-là. On s'attend à un casque plutôt stylé, façon lunettes de ski, pas ultra puissant. En fait, on s'attend plus à un truc plus proche de Oculus Go, pour des expériences VR sociales et de la consommation de contenu, avec un accès à ce qu'ils appellent le Viveport Verse, qui est plus ou moins la même chose que Horizon Worlds, en fait, de Facebook, en version HTC. Donc voilà, le futur apparemment passe par cette espèce de vision qui ressemble pas mal au PlayStation Home, en fait, finalement, mais en réalité virtuelle. Bon, voilà, vous avez hâte de découvrir le métaverse. Alors, moi, j'ai particulièrement hâte de savoir à quel pourcentage de bullshit Jérôme estime que le métaverse est. Est-ce que tu penses qu'il y a une notion qu'on n'a pas identifiée et qui nous paraît intéressante? Ou est-ce que tu fais partie des personnes qui considèrent que c'est simplement un buzzword du moment? La réponse n'est pas facile, je sais. J'avais promis qu'on ne ferait pas une émission trop longue, mais quand même. Moi, je suis très bon public pour ce genre de choses. Donc, j'ai envie d'y croire. Alors, la sortie de Mark Zuckerberg cet été, voilà, il jette le truc, il en fait un vrai projet pour Facebook. Bon, c'est bien, ça tombe bien, ça permet de parler d'autres choses à propos de Facebook. Ça, on peut pas empêcher de remarquer ça. Mais derrière ça, je trouve que l'idée est intéressante. Bon, évidemment, il y a eu des choses dans le passé. On se souvient de ces mondes virtuels, voilà, auxquels on promettait des avenirs absolument incroyables, et tout ça est tombé à l'eau. Donc, on peut se dire que ce sera pas mieux avec Metaverse. Mais en même temps, ça fait une nouvelle histoire à raconter par rapport à la tech. C'est quelque chose de qui est pas déconnante. Non, qui est pas déconnante, qui est pas déconnante. Et puis ça élargit l'horizon, si tu veux. Mm. Ça nous met dans une nouvelle orbite. Voilà, il y a sans doute des raisons, des éléments de communication, des trucs marketing, etc. Mais tant pis, c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Et je pense qu'il y a des. C'est peut-être aussi un grand mot pour tout simplement des outils qui aujourd'hui paraissent un peu magiques, comme par exemple le truc Workrooms dont je parlais tout à l'heure, mais qui vont peut-être se banaliser, se démocratiser. Donc moi, je suis plutôt favorable et ça me plaît bien, cette histoire de Metaverse. J'aime bien, ça me fait bien rêver. Bon, observons ça encore ensemble pendant quelques temps. On verra ce qui va en ressortir. En attendant, Guillaume, tu t'es penché sur la nouvelle version de Windows Vista. De Windows 11, pardon, qui est un nouveau souci. Vista. Pardon. Ouais, Windows Vista 11, Windows 11, donc, a encore un souci. Oui, encore un souci qui va pas faire plaisir aux joueurs ni à personne d'autre, en fait. Puisque cette fois, c'est un problème avec les puces AMD et même les puces dignes d'être appelées comme telles par Microsoft, puisqu'elles auraient des problèmes de cache L3 avec Windows 11, une latence qui pourrait être triplée, ce qui se traduit évidemment par une baisse de performance sur toutes les applications qui utilisent beaucoup de transfert mémoire. C'est ballot parce qu'il y en a beaucoup quand même, hein, et en particulier les jeux, qui peuvent voir la framerate baisser de 15%. Et d'ailleurs, en plus, l'ordonnanceur a aussi des hésitations un petit peu qui vont faire souffrir les performances des puces à plus de 8 cœurs. Donc en gros, si vous avez une puce AMD à plus de 8 cœurs avec le VBS, vous souvenez, le Virtualization Based Security, ben vous êtes vraiment très content d'avoir Windows 11 et de jouer dessus. Bref, bon, tout ça c'est un bug, hein, de toute façon, ça sera corrigé prochainement, j'en doute pas. En attendant, AMD conseille lui-même de juste ne pas installer Windows 11 et d'attendre que les plâtres soient un petit peu essuyés. Et on va terminer avec un sujet qui fait pleurer des chaumières, de nombreuses chaumières, c'est le Joy-Con Drift, ce fameux souci qui affecte les Joy-Con de la Switch avec des mouvements non désirés, on en a déjà longuement parlé. Il y a un petit peu de nouveau sur le sujet, en cela que Nintendo communique sur le sujet, Guillaume. Oui, ce qui est nouveau, c'est la communication, hein, c'est tout, hein, parce que techniquement, il n'y a strictement que dalle. Puisque, en fait, oui, j'ai vu passer plein d'articles sur Internet qui disaient « Ah, le Joy-Con Drift, gna gna gna, Nintendo, il dit ça va pas, tout ça. » Enfin, je veux dire, c'est pas corrigeable, tout ça. Alors, en fait, il y a eu une longue interview, et dans cette interview, en substance, ce que disent les ingénieurs, c'est « Bah, vous savez, ma pauvre dame, quand ça frotte, ça s'use, hein. Donc, on fait ce qu'on peut, mais bon, bah, quand ça frotte, ça s'use, hein. » Ok, donc en gros, quand ça frotte, ça s'use, donc ça veut dire que c'est inévitable qu'à un moment donné, ça déconne. D'accord, comment ça se fait qu'à la concurrence, ça arrive beaucoup moins vite, voilà. Alors, tu vois. Donc, rassurez-vous, la dernière Switch OLED apparemment concentre tout le savoir-faire de Nintendo au niveau des Joy-Con et toutes les améliorations, évidemment, hein, puisqu'ils sont dans un processus incrémental d'amélioration des Joy-Con, bah, tu m'étonnes, étant donné qu'ils sont un peu pourris depuis le début, bah oui, forcément, ils essaient de les améliorer. Donc, globalement, il n'y a absolument rien de nouveau, si ce n'est que bah, ils essaient de travailler dessus. Bon, soyons clairs, de mon point de vue, c'est une histoire de qualité, de matériel, et rien d'autre. Hein. Donc, voilà. Il y avait eu une plainte de Que Choisir à ce sujet. Oui, ouais. On a du nouveau ou pas, non? Je sais pas du tout. Ouais. Je sais pas où ça. Ça c'est très intéressant. J'avais également vu cette plainte et on l'avait pas suivie. Il faudrait qu'on se replonge dans ce sujet pour en savoir plus. Mais c'est vrai que quand tu compares des manettes de Switch qui crament au bout de un an, alors que t'as des manettes de PlayStation, je ne sais pas combien, mais pas avec un chiffre élevé qui fonctionne toujours des années après, il y a de quoi se poser la question. Mmh. Bon. Ça arrive. Je veux dire, toutes les manettes, bien sûr, déconnent bien sûr. Ou à un moment quoi. Mmh. Mais c'est pas ça le sujet quoi. C'est pas aussi vite et aussi répandu, peut-être, quand même. Merci infiniment, Jérôme, d'avoir accepté l'invitation et d'avoir participé à cet épisode de podcast. Merci de votre accueil. Il est grand temps que tu puisses informer les auditeurs qui ne te connaîtraient pas encore, les 2-3 là au fond de la classe qui ne suivent pas. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut t'entendre un petit peu plus? Ah bah écoute, maintenant c'est simple puisque c'est un podcast qui s'appelle Monde Numérique qui se trouve sur toutes les bonnes applis de podcast, voilà, et qui sort tous les samedis matins. J'avais pas prévu et c'est pas indiqué au conducteur, donc tu peux tirer un joker si tu n'as plus le temps ou pas envie de répondre. Mais c'est intéressant ce mouvement, toi qui viens vraiment du monde de la radio. Alors tu découvres pas le podcast, j'avais entendu à l'époque, il y a de ça des années, des podcasts notamment que vous faisiez avec iPhone.fr avec François Sorel. Voilà, c'est pas un sujet que tu découvres, le podcast indépendant, très loin de là. Mais c'est intéressant ce mouvement que tu fais de ne plus continuer à animer Nouveau Monde, qui est quand même une marque assez incroyable pour beaucoup de Français, je pense, pour te consacrer un petit peu plus densément à du podcast un peu plus indépendant. Je sais pas s'il y a quelque chose derrière en réflexion que tu voulais nous partager. Écoute, oui, c'est un tournant. C'est vrai que ça suscite souvent une réaction, des réactions un peu surprises parce qu'on se dit pourquoi quitter comme ça une grande et belle maison comme France Info, comme Radio France, pour partir tout seul dans mon coin. Mais ça répond à vraiment à plein d'aspirations. D'abord, des aspirations en termes d'expression journalistique. France Info, c'est des formats très courts, collés à l'actualité immédiate. Moi, j'avais envie de prendre un peu plus de liberté, d'être moins dans l'info immédiate du jour, de faire plus d'interviews, de rencontres avec des gens, d'entretiens un peu plus longs, etc. Donc, c'est ce que me permet le podcast. Et puis, il y a aussi, tu sais, j'ai 27 ans de radio et d'actualité hard news, comme on dit, c'est à la longue, on a envie simplement de changer d'air, hein, en fait, et voilà. Et puis en plus, moi j'ai un tempérament un peu d'entrepreneur, d'innovateur, on va dire, et j'aime bien me lancer dans des nouvelles aventures, et donc ouais, j'ai sauté le pas parce que je me suis dit, si je le fais pas maintenant, ben je le ferai plus, et je vais me retrouver à faire mon pot de départ à la retraite à Radio France avec les collègues. Et j'avais pas envie de ça. Voilà, c'est ça. Eh ben écoute, merci beaucoup en tout cas d'une part d'avoir participé à Tech Café, mais aussi pour tous ces épisodes de podcast qu'on est nombreux à avoir écouté, je pense, et puis pour ta pédagogie. Merci beaucoup à toi Guillaume d'avoir préparé cette émission. Il ouais, quel temps boulot, pour toi hein. Aussi. C'est impressionnant. Chaque semaine, je suis impressionné par ton travail, Guillaume. Ouais, c'est merci vraiment, beaucoup. Merci beaucoup, en tout cas. Très beau boulot. Un travail éditorial incontournable que vous aimez tant. Et en plus, on peut te retrouver, Guillaume, n'est-ce pas? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Eh bien, écoute, tu vois, sur Twitch, Amourante s'est fait dégager. Donc, je pense qu'il y a une place à prendre dans son jacuzzi. Oh oui. Bon, on va te soutenir. On va se baie, Guillaume, pour toi. Merci beaucoup. Je suis Guillaume Vendée. Vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr. Et puis, bien entendu, je compte sur vous, si vous avez apprécié cet épisode, d'aller déposer des petites étoiles sur Apple Podcasts, sur Podcast Addict. Ça compte évidemment beaucoup pour nous. Et puis, d'envisager un soutien sur Patreon, patreon.com/techcafé. En attendant, je vous souhaite une très belle continuation et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous. Salut.